Les élèves de l'école des Cornouillers vont vous présenter le rêve merveilleux. Hier, je me promenais avec mon ami. J'ai vu tant de grosses machines. J'ai tellement pataugé dans la boue que j'ai eu une envie folle de partir n'importe où. Je voudrais aller dans un désert où je ne serai pas dérangée et j'aurai un petit chat et un beau château. Quand je vois un petit oiseau voler, je voudrais comme lui avoir des ailes pour aller dans les pays lointains. Des hommes tout nus, de grandes plantes, un gros soleil rouge, un homme recueille la résine et la donne. J'aimerais aller dans les pays lointains pour connaître les enfants qui ne parlent pas comme moi. Je me souviens de ces matins d'hiver, quand la nuit sombre et glacée, quand je marchais à côté de mon frère sur le chemin des écoliers, quand nos membres encore tout engourdis de sommeil relevaient sous les assauts du vent. Nous battions à grands coups de boule de neige en riant. Nous arrivions dans la salle de classe où le maître nous séparait. Nous retrouvions chaque jour notre place et l'on ne pouvait plus se parler. Immergé par les vagues et les douces chaleurs que nous prodiguait le vieux voile, nos esprits s'élevaient pour se rejoindre ailleurs vers les plages, où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds, où l'on passe sa vie à jouer, sans songer à l'école en pleine liberté, où rêver. Où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds, où l'on passe sa vie à jouer. Dis maman, quand partirons-nous ? En hiver, quand la plaine est blanche, sur un traîneau couleur pervenche. Au printemps, lorsque l'air plus doux caresse la pelouse verte, sur un vaisseau voileuse ouverte. Dis maman, où partirons-nous ? Vers le nord, aux terres glacées, où le soir monte espacé, les sinistres plaintes des loups. Vers l'orient, aux nuits trop brèves, où sur de beaux tapis l'on rêve, irons-nous au désert immense dont le ventre ondule sans fin? Thank you. Toi qui t'en vas là-bas, par toutes les routes de la terre, homme tenace et solitaire, vers où vas-tu, toi qui t'en vas? J'aime le vent, l'air et l'espace, et je m'en vais sans savoir où, avec mon cœur fervent et fou, dans l'air qui lui est dans le vent qui passe. Le vaisseau clair avait des mâts et des agrès si fins et des drapeaux si bellement à cœur madin qu'on eût dit un jardin qui s'en allait en mer. Qu'on eût dit un jardin qui s'en allait en mer. Qu'on eût dit un jardin qui s'en allait en mer.